Phrase 14, activation orale, le temps qui passe, prochain. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. C'est cet été que vous allez en Patagonie ? Et vous répondez ? Non, l'été prochain. 2. C'est cette semaine que vous allez à Saint-Tropez ? Non, la semaine prochaine. 3. C'est cette année que tu commences la médecine? Non, l'année prochaine. 4. C'est ce mercredi que tu as rendez-vous avec Mireille? Non, mercredi prochain.